Salut, ici Isis, Steph Terreur, Kim, René, de l'Horreur Gamer Show, et vous écoutez l'Horreur Gamer Show. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 17 de l'Horreur Gamer Show. 6 avec vous ce soir et en ma compagnie. Kevin est avec nous ce soir. Comment ça va, Kevin? Ça va super bien, comme d'habitude. Toujours horreur. Toujours magané. Yeah! Il me semble que t'as un timbre de voix qui inspire le magané. Qui inspire la Robin. C'est bon comme ça. On va être une gang, je pense. Là, mais ça vient pas en odorama, fait que c'est pas pire. Une foutue chance, parce que je peux te dire que Dredd m'a pas filter des micros qui s'en robin sur un sale temps. Hey, René est avec nous aussi ce soir. Comment ça va, René? Ça va bien. Crevé, mais ça va bien. Excellent. Ça aussi, on est pas mal tous dans la même situation. C'est pas grave, on a vu ça en pré-show. Je pense que ça va donner quelque chose d'assez chaotique et d'assez minable, mais c'est pas grave. Je crois que nos auditeurs sont habitués. Aussi avec nous, Steph Terreur. Comment est-ce qu'il va, Steph? Ouais, ben il va pas pire. Il va pas pire loin de son micro en maudit. Steph, coucou que Terreur. Ouais, faut-tu parler en avant du micro ou à côté? Steph, pas que tu mettes dans tes fesses. Hey les gars, il y a l'ami Sébastien Bouchard qui veut pas être nous. Qui pouvait pas être avec nous. Non, il est pas mal plus tu, mais là, il filait pas pour être nous. Tout ça pour dire qu'il pouvait pas être avec nous ce soir, fait que, étant donné que sa job, c'est comme de watcher show depuis qu'il est comme superviseur pour de qualité et toute la patente, il nous a envoyé une espèce de drone pour nous watcher, puis pour être certain que, en tout cas, qu'on faisait bien ça, fait que, salut, drone de Sébastien. Hey, salut tout le monde! Hein, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Seb était pas là aujourd'hui? Ouais, mais c'est ça, je pouvais pas être là ce soir parce que voulez-vous, j'ai une vie, moi. Fait qu'à partir de maintenant, on peut dire carrément ce qu'on veut. Va chier le drone. C'est quoi, il y a des tuyaux? Je suis entièrement d'accord avec vous autres, on peut pas dire plus vrai que ça. Et voilà, merci drone. Fait que ceci étant dit, je vais faire un petit tour de table pour savoir ce qui s'est passé avec vous autres, juste question de faire semblant que je m'intéresse à votre vie. Kevin, dans les dernières semaines, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de show. Côté horreur, t'as fait quoi, toi? Ben moi ça va là, j'étais encore en thérapie, puis ça s'en vient là, j'avais lâché la boisson. C'est pas pire quand tu dis ça, mais quand je te demande côté horreur. Mais sans farce, moi, j'ai acheté Dead Island Riptide. Pis. Le deuxième. Ben écoute, c'est comme le premier, là. On dirait un prolongement du jeu, mais moi, j'ai aimé ça. Tu sais, dans le fond, j'ai aimé le premier, le deuxième, il est semblable au premier, donc je l'ai aimé encore. Sinon, à part ça, du côté horreur, je me suis acheté American Horror Story, la première série. Ouais, la première saison, j'étais un peu en retard, là. Non, mais... c'est correct. C'est ça, vaut mieux tard que jamais. Exactement. Comme dit le proverbe. Hey, là, c'est ça, j'ai commencé ça, puis je trippe au bout. Là. C'est vraiment bon. Le drone de Sébastien, lui aussi, il y a un proverbe. Non, mais tu sais, c'est comme dit le proverbe, hein? 2 plus 2, ça fait 4. Ah, et voilà. Merci de ta sagesse. Bon, en plus. Je pourrais tellement pas être plus d'accord que ça. Là. Voilà. C'est-tu tout par chez vous? Ça ressemble à ça, ouais. J'ai toujours peur, Kevin, quand je te demande qu'est-ce qui s'est passé dehors par chez vous, que tu commences à me raconter ta vie sexuelle. Fait que c'est pour ça que je te coupe ça vite. J'ai vraiment non, mais ça, c'est pas mal trop hardcore pour les auditeurs, là. Surtout les auditeurs français. Ah, man, lâche-les, s'il vous plaît. Non, mais, tu sais, je me dis, depuis qu'on est rendu avec Fun Jouer Jeu, tu sais, t'as Dan Vaillancourt qui s'acharne sur les Asiatiques. Puis là, je trouvais que les Français étaient pas assez maltraités. Fait que je me suis donné comme mission de les haïr. Sans aucune raison. Hey, Ah ouais, Kevin, si continue comme ça. Moi, je tu parles de Dan Vaillancourt. Bonsoir tout le monde. Salut Dan. J'ai un shout-out à faire à l'ami Dan Vaillancourt. Bonsoir tout le monde. Est-ce bon lui? Moi, je trouve non. Moi, je trouve ça non? cheap en salle. je sais pas, vous avez écouté le dernier Fun Joueur, pas le Radicapoté, mais le dernier show. Je suis religieusement. Moi, je trouve ça cheap de se servir de son show, de son média. Pour rire du monde, je trouve ça nul. On a eu une discussion sur Facebook, moi, Dan et Sébastien Bouchard, puis je racontais que j'avais de la misère dans Ocarina of Time à passer le Water Temple. Puis lui, dans son show, comme plash, c'était le gros blast de je suis meilleur que toi, puis je suis hot, puis je l'ai passé des deux doigts dans le nez. J'ai trouvé ça cheap. Fallait que je le dise. Écoute, Dan, moi, je suis pas ce genre de gars-là. Fait que je participerais pas à cette espèce d'échange de niaiserie. C'est pas comme si j'irais dire à tout le monde que, man, à Metal Slug, tu suces des balles solides, t'es vraiment à chier. Puis que si tu m'aurais pas tout volé mes vies parce que t'es vraiment merdique à Snow Brother, on aurait peut-être réussi à le finir, c'est à ce petit jeu-là. Mais moi, je n'y en dis pas des choses de même. Je me sers pas de mon show comme pour faire une tribune pour... blaster le monde, je trouve ça. C'est pourquoi ça? Je trouve ça plat. C'était un bon gars. Pierre. Et voilà. C'est ça la différence. Tu fais comme bon, mes gars. Merci, Dan. Je l'adore, Dan. Hey, je vais passer à René. René, côté horreur, qu'est-ce qui s'est passé par chez vous? Ben, on a finalement été voir Evil Dead au Cinoche. En français, c'est moins bon, mais c'est quand même bon. Ah ouais, c'est la tradition anticipée que ça? Ben non, c'était pas pire. Ça a bien passé, mais je suis sûr qu'il y a bien des phrases clés des autres qui ont passé comme dans le bar parce qu'en français ils ont pas traduit pareil. Parce que moi je suis retourné le voir, la deuxième fois que j'ai vu il était vraiment en français, puis j'ai comme pas remarqué vraiment. Non, mais comme je te dis, je suis sûr qu'on fait juste perdre deux trois phrases clés par-ci par-là, mais la traduction, tout est bon, c'est pas un français de merde ou quoi de même, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir raté quelques hommages, on peut dire. Ouais, ça c'est toujours le cas. Mais c'est la seule affaire que, dans le fond, que j'ai regretté, mais il était juste en français. Fait que j'ai adoré quand même y aller. Ouais, même failli y aller à essayer les VIP là, dans le Cinoche, là, qui t'amènent la bouffe à la table et tout, mais finalement, ça n'a pas donné. Et c'était juste beau voir ma blonde cachée en boule avec les yeux fermés tout le long du film avec la chienne. De, comme de... Anyway, wow. Il y a certains moments dans le film où tu veux pas être en train de manger. Moi, je suis pas mal certain de ça. Non. Un petit coup de langue sur une lame, ça fait pas de mal à personne. C'est toujours cute. Sinon, bon, ça, on rattrape pas un peu de films d'horreur, écouter un peu de Babel sur Netflix, en démerdé comme des bons. Ouais, c'est... Ice on Your Grave sur YouTube, c'était pas mauvais. On peut l'écouter au complet quelque part en se traînant sur YouTube. Ouais, quoi ça? Le vieux, mais le premier, le remake est pas spé. Je me suis dit, il va en avoir un deux, il faut qu'au moins j'écoute le premier. Puis sinon, à part ça, quelques games de jeux d'horreur, dont Dead Island, le premier pour essayer de finalement arriver au deuxième. Puis, on va la faire notre game en ligne à un moment donné, René. Ouais, un jour. Ça s'en vient. Puis peut-être Steph, venez joindre, on peut jouer à 4, ce serait bon que Steph. Oui, ça serait malade. Si on fait un petit live, là. Ouais. T'sais, sur Twitch Cam là, ou quelque chose comme ça. Non, mais tu sais, c'est comme dit le proverbe, hein? 2 plus 2, ça fait 4. Et voilà. Hey, ça fait 4, exactement. Voilà. C'est ça, c'est on peut jouer en coop à 4. Puis... Bon, okay. Bon, Steph, toi, par chez où? Quoi de neuf? Ben, écoute, côté horreur, c'est assez tranquille, mais pour répondre à Kevin tantôt qui essaie de lâcher la boisson, fais pas ça. Ça fait un hostie de flaque d'eau à terre. Je sais pas dans quel sens tu le disais, là, mais moi je l'ai lâché une fois dans ce sens-là. C'est pas plaisant à ramasser. Je suis entièrement d'accord avec vous autres. La boisson. On peut pas dire plus vrai que ça. T'allonges pas. Je l'allonge pas aussi. T'as tiens à deux mains. À deux mains. Parfait. Bon, c'est excellent. Non, ça. Mais je tiens d'autres choses à l'autre main, mais ça, c'est pas de vos affaires. Ah, man, commence pas si bas, ça va être dégueulasse. Si ça peut intéresser quelqu'un. Si ça peut intéresser quelqu'un, moi non plus, c'est assez tranquille, j'ai pas mal. Je suis retourné, comme je disais tantôt, voir le fameux Evil Dead, voir si c'était pas juste un trip de. Parce que, écoute, si vous avez entendu le show, le dernier show que j'avais fait avec Sébastien, j'étais comme sur un gros high, j'ai trippé comme vraiment un donné. Après avoir vu le show une deuxième fois, j'ai comme dessoufflé ma ballonne. C'était encore un maudit bon film, là. Non, j'ai rien à redire sur ce que j'ai dit, je suis encore totalement d'accord avec ce que j'ai dit, mais bon. Je suis juste moins high un peu, là, parce que je m'écoutais et je faisais comme « Wow, man, on dirait que tu viens d'avoir le film de ta vie. » en tout cas, à part de ça, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de nouveau côté jeu. Ah, j'ai essayé le dernier jeu de... The Walking Dead, que t'avais avec René, t'avais comparé un cabanard. Ouais, Survival Instinct. Là. My God, c'est mauvais. Ouais. Hein? J'ai pas eu la patience. J'ai essayé encore celui-là. Ah, pas ton temps. Hein. Oh. Ah, puis parlant de Walking Dead, j'ai fini la troisième saison. Tu sais, j'avais pas aimé les deux premières, j'avais trouvé ça correct. Là, la troisième, elle commence fort, je trippais, puis ça finit tellement comme de la merde, je veux plus rien savoir de Walking c'est Dead à ah ouais, moi c'est le contraire. Moi j'ai trouvé que la troisième était plus genre comme un soap américain un peu. Là, t'as moins de zombies, c'est plus des histoires de relations interpersonnelles. Non, ben c'est exactement ce que je dis. Moi, mettons les trois premiers épisodes de la troisième, j'avais trouvé très bon. Le reste, c'était tout de la foutue boîte. Le punch de la fin, c'est ce que tu sais. Ça fait depuis la première saison que j'attends que ça arrive pour que ça devienne la fun. Ouais, c'est non, je veux plus rien savoir de la série Walking Dead. Je vais continuer d'y lire parce que c'est encore ouais, bon ce que je lis. Mais tu suis les comics un peu, toi, ouais? Ouais, je pense que je suis rendu au septième trade. Ok. Moi, j'ai suis à. J'ai fini tous les premiers trades. Je suis rendu genre au issu par issu. Là. Mm-hmm. Je commence en 9, puis je trouve que ça a ralenti un peu le rythme. Ouais, ben t'es pas seul à dire ça. Ça a l'air que tout le monde a comme pogné un down. Je pense depuis un an, on dirait que ça a droppé bien gros. Et écoute, ça fait à peu près 10 issues, là. Il y a pas de zombies. C'est genre des clics de survivants. Tu sais, tu pourrais mettre ça dans un univers apocalypse sans zombies, puis ça serait la même chose. C'est genre des gens qui essaient de survivre, puis ils s'attaquent entre eux. Il essaie de trouver des provisions, des trucs dans le genre. Là. Fait que c'est Fallout, finalement. C'est ça, c'est Fallout, pas de zombies, tu sais. Bon. Mais j'ai hâte que ça développe un peu, là. Ben, moi, pour me rassasier, parce que bon, c'est sûr que côté série d'horreur, j'ai été déçu de ça, comme ça avait pas de bon sens. J'ai été déçu de la deuxième saison de American Horror Story. Je savais pas quoi écouter comme série, tu sais. Il y a Games of Thrones que je suis gros comme le bras, puis j'ai pas encore la troisième de Boardwalk Empire, fait que je suis comme impatient. Là, ça me prenait quelque chose. Fait que j'ai commencé à écouter Hannibal. Ça, puis, mon gars, ça commence à être solide. Je fais juste commencer d'écouter, puis j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir pour Hannibal. J'ai beaucoup, beaucoup d'espoir aussi pour Bates Motel, que je viens de commencer aussi. Je vais vous en reparler dans un prochain épisode parce que là, je suis vraiment pas assez avancé dans la série, dans la saison pour pouvoir donner de quoi de disons d'objectif, mais ça regarde très très très bien. Fait que c'est ça, c'était pas mal notre tour de table, disons. Excellent. On a un gros show à ce soir. Oui, vas-y, Kev. En passant, l'intro, ceux qui nous ont présenté étaient ça à coche en esti. Ah, mon gars, on est-tu loser, rien que pas à peu près, de faire un ID de nous autres même. J'en avais demandé un au gars de Fun Jouer Jeu, écoute, dans les premiers temps de l'Horror Gamer Show, puis je l'attends toujours, hein, en tout cas. Ils sont trop occupés. J'ai jamais eu de réponse. Mais là, écoute, c'est rendu des internationaux. C'est pour ça que là, on se lance Horror Gamer 2.0, mon gars, on est ça à coche, puis... Yes! Think big, et voilà. Gros show à soir, on va vous parler du film American Mary, des sœurs Soskia qu'on connaît déjà, qu'on vous a déjà parlé. On va vous parler du fameux, du grand, du majestueux peut-être, Lords of Salem, qu'on a donc, écoute, je pense que ça fait un an qu'on en parle de Lords of Salem. Ouais. Puis on va vous parler d'un band, Steph, que je suis pas capable de dire le nom, vas-y donc, c'est quoi? Hello Whitey. Oh, c'est Hello Kitty. Hello Whitey. Hello Kitty, la vie chante. Oh, toi t'as des enfants. Jeune fille. Ok, on coupe ça là, puis on s'en... on va aller parler d'American Mary. Bon, American Mary, film de 2012, réalisé par les sœurs Soskia, qu'on avait déjà parlé dans un épisode précédent, que demandez-moi pas le numéro, j'en ai aucune idée. C'est les deux jumelles qui avaient fait Dead Hooker in the Trunk, qu'on avait bien aimé. C'était un très bon indépendant, dash exploitation movie, qui avait coûté en bas de 10 000 piastres. C'était drôle, c'est une espèce de mettre ton cerveau à off, puis rire et trip pendant une heure et demie. Et puis là, ils nous reviennent, c'est ça, avec American Mary, leur premier film gros budget, 6.0 sur IMDb. Mettant en vedette la merveilleuse, l'extraordinaire Catherine Isabelle, qu'on a déjà vue, qui a été popularisée dans la série Ginger Snaps, qui est une série que... va falloir que je donne une deuxième chance à un moment donné, parce que tout le monde, tous les fans d'horreur que je connaisse, ont trippé là-dessus, puis moi, je n'ai rien à battre. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai écouté juste une fois. Je sais pas pour vous autres si vous avez vu ça. Moi, ça me dit rien, personnellement. Ça, en français, ça s'appelait L'Entre-Sœur. C'est des histoires de loups-garous. Ah, oui. C'est des films, ça, pas des séries. Non. Mais c'est une série de films, genre, qui en ont. Ah, une série de films, ok. Je pense que c'est une série télé quand t'as dit ça. Ouais, moi, tout, c'est ça, exactement. Là, oui, j'ai vu. Ouais. Moi aussi. En tout cas, moi, j'ai des très mauvais souvenirs de ça. C'est peut-être moi. Mais en tout cas, il faudrait que je redonne une autre chance parce que, comme j'ai dit, ben des gens qui m'ont dit que c'était extraordinaire. Donc, je vais redonner une chance. La belle Catherine Isabelle, on l'a vu dans quoi déjà? Dans Freddy vs. Jason. On l'a vu dans un paquet de films d'horreur. C'est une espèce de scream queen, disons, moderne. Dans le film, à part de ça, il y a un paquet de nobody qu'on s'en fout un petit peu. Non, sérieusement, c'est surtout c'est pas, il n'y a pas vraiment d'acteurs là-dedans. C'est plus des amis, des réalisatrices et du monde complètement random qui ont ramassé sa rue. Puis c'est même pas des comme dans Dead ou Karen at Run. Ouais, c'est probablement ça. Ils ont eu un budget, on sait pas c'est combien, ils ont eu un budget pour faire ce film-là, mais ils l'ont pas passé ces comédiens, puis ça, c'est assez évident. Alors, qu'est-ce que c'est American Mary? C'est l'histoire de Mary, qui est une étudiante. Elle étudie pour devenir chirurgienne. On comprend assez vite qu'elle est très bonne là-dedans, parce que bon... je pense que c'est la première scène du film où on la voit en train de stitcher des poulets. Ouais. Bon, ouais, dans ma vie, quelqu'un qui s'ennuie, qui fait ça, qui fait des stitches de poulets, je veux dire, c'est quelqu'un qui a ça. Ça aurait été hâte, un petit clin d'œil à... voyons, le film de dinde, là. Thanksgiving. Ouais. Ça me semble y voir monter à la tête. Ouais, mais là, écoute, on parle de la première scène du film, tu vois l'autre qui apparaît, je sais pas moi, avec une moustache, whatever, ça aurait comme tout pété à patente. Il n'y avait plus rien qui marche. Puis c'est ça, notre Mary, on comprend assez vite que c'est ça. Elle est très bonne, elle est un peu toute seule dans son monde, un peu introvertie. Elle a des gros problèmes financiers, ce qui la pousse à, pour pouvoir continuer ses études, elle se trouve une job dans un club de stripper. Dans son CV, quand elle s'en va porter son CV, parce que, en tout cas, écoute, j'ai pas une expérience à tout casser des clubs de stripper, mais... je savais pas que tu avais besoin d'un CV bien impressionnant pour pouvoir y aller. Mais en tout cas, t'arrives, tu te montes les boules, puis c'est pas mal ça ton CV. Ouais, ce qu'elle fait, hein, puis moi aussi, je l'aurais engagé. Tout ça pour dire que dans son CV, il est écrit que justement, elle est étudiante pour être chirurgienne. Bon, comme par hasard, sur le moment, il se passe un événement dans le bar que le gérant en train de l'engager fait comme « Oh, ben je vais peut-être avoir besoin de toi, il l'amène dans un coin sombre. » Elle dit « Mettons que nous autres, on préférait que ce gars-là, qui est en train de vraiment d'être en train de crever au bout de son sang sur une table, dit « Mettons que nous autres, on aimerait ça qu'il crève pas cette nuit, mettons. » Fait que si t'es capable de faire quelque chose, on donne 5 000$ cash de là. Bon, madame a des problèmes financiers, fait que go for it, puis bon. On comprend que Mary est comme troublée par ça au début du film. Là, elle trouve ça difficile. Elle rentre chez eux, elle est complètement déboussolée. Ça s'en va juste de mal en pis pour elle qui, justement, je vais passer bien vite parce que je vais pas le raconter, je vais pas spoiler. Tranquillement, pas vite, il se passe un événement assez atroce avec elle, avec ses professeurs qui... Oh. Tabarnak! C'était atroce en astuce, ça. C'était vraiment atroce. Il se passe quelque chose de vraiment atroce avec elle qui fait que, bon, Mary passe de petite fille étudiante, correcte, sage, introvertie à... je vais aller faire payer toute la gang les tabarnak. Quoi dire après ça? Elle se spécialise en chirurgie, disons, de elle fait de la body mode, finalement. Un peu pour en revenir à ce que je disais à un moment donné, ce que j'ai dit à Steph en hors-show, c'est comme le Strangeland des années 2000, mettons. Ah oui? Tu sais, c'est quand Strangeland, c'était la mode des piercings qui était soi-disant hardcore, American Mary vient mettre un gros accent sur le body mode, soit les tongue splits ou les affaires dans même, là, des affaires assez hardcore. Scarification, puis les implants, puis... Exactement. Elle devient qu'à se spécialiser là-dedans, parce que, bon, lâche l'école, elle se rend compte que, bon, c'est une artiste, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut faire de la grosse argent là-dedans. Suicide, elle commence même à travailler pour le fameux bar de strippers, comme, comment je dirais... Rapièceuse. Il l'appelle Bloody Mary. Mettons qu'au lieu de d'envoyer un dos se faire péter les jambes par des gros dos, il envoie Mary. C'est pour ça qu'elle se fait renommer Bloody Mary, puis qu'elle devient comme tout le monde a peur d'elle. Puis c'est assez fréquent. Ceci étant dit, je vais pas en raconter plus sur l'histoire parce que je pense que ça serait de spoiler pas mal. Je pense que je vais tout de suite faire un tour de table pour savoir ce que vous en avez pensé, puis on peut en parler plus, mais faire attention de ne pas spoiler, parce que c'est un film qui s'en vient ici, qui va être quand même relativement facile à trouver. Fait que, mettons, il n'est pas sorti encore, je pense. Hein? Non, pas encore. Il est encore en train de faire la tournée des festivals. Cool. D'ailleurs, qui a gagné, je pense, 5 ou 6 Screamfest. C'est assez fou. Là. Ça gagne tous les prix des films indépendants, ce film-là. C'est assez, mais je pense qu'en fait, il y a eu 5 nominations, puis une victoire à date. Ça se peut-tu? Ça se peut. Vas-y donc, Kevin, vu que... Hein, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film-là, en gros? Moi, je l'ai adoré, ce film-là, sérieusement. Je trouvais qu'il était pas mal mieux réalisé que leur premier film, au Sarsaska, justement. Là, ouais, que... C'est indiscutable. Ouais, indiscutable. Je pense que le budget était un petit peu plus élevé. Puis les acteurs, dans le premier, c'était vraiment juste des amis. Puis là, comme t'as dit tantôt, la fille, là... Catherine Isabelle. Ouais, exactement, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, vraiment plus talentueuse, elle a fait plusieurs films d'horreur, elle connaît l'industrie un peu, puis ça paraît dans son jeu, elle est vraiment bonne, puis... Tout fait autour de son personnage, puis on s'entend que... Exact. Si on peut donner quelque chose, un point fort à ce film-là, c'est justement le personnage de Mary, comment est-ce qu'il a été écrit, parce qu'il est super bien développé dans tous les points. C'est le titre du film porte son nom, c'est vraiment autour d'elle que se situe l'action. Puis... Mais ce que je veux dire, c'est que comment qu'au début, elle passe de petite fille sage, tranquille dans son coin à Bloody Mary. Il y a une grosse progression dans le film qui fait que le personnage est super bien écrit. Continue. Ouais, au début, justement, on la voit, c'est ça, dans sa classe, t'sais, elle est un peu laissée à elle-même. Tu vois que c'est pas la fille genre... La fille cool de la classe, t'sais, est un peu dans ses affaires, dans son monde, dans sa bulle, mais la fille est brillante pareil, tu vois, puis ça a fini par développer son potentiel, mais dans un côté un peu plus sombre, ouais, si on peut dire, ce qui l'amène à faire ça. À charcuter. À charcuter, c'est ça. Ouais, il prend même plaisir à charcuter. Toi, ouais. René, ton overall sur le film, c'était quoi? Ben, j'ai adoré l'expérience, comme on dit, de l'actrice. Là-dessus, il n'y a rien à redire. J'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à plus de charcuterie. Là. C'est comme il y a quelques petits morceaux qu'on voit une fois de temps en temps, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de gore dedans. Ouais. Je pense que je m'en attendais à plus de gore. C'est ce qui m'a déçu, mais dans l'ensemble, je peux pas dire que j'ai détesté. J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que si on compare à Dead Hooker et Natron, que. Ils ont fait une grande progression. Là, mais je pense qu'on peut pas pantoute comparer les deux films. Non, même c'est, si c'est, les deux, c'est deux tellement différent. Mais on voit qu'ils ont fait le rendu comme premier gros film. C'est bon, tout est bon, mais j'ai de la misère à classer ça horreur. C'est quasiment plus psychologique qu'horreur. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, il n'y a pas vraiment comme. Je m'attendais au moins à un côté gore pour tenir à côté l'horreur. Puis même là, il n'est pas là. Ça reste bon pareil. Il y a des morceaux de choses qui tombent, là, je veux pas spoiler rien, mais non. Ouais. Ça reste que je m'attendais à plus de ce côté-là, mais ça reste un excellent film pareil. Ouais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis sur le côté horreur, mais en même temps, il faut se dire que faut être généraliste un peu. Pour nous autres, on est peut-être pas trop surpris, on n'a pas le gore qu'on voudrait, mais je ferais écouter ça à un non-initié. Il y a certains moments qui sont fucking hardcore pareil. Là, mais c'est parce que l'horreur est différent, je trouve. T'as de l'horreur gore, puis ça, t'as de l'horreur psychologique, puis je trouve que la fille. T'sais, au début, elle embarque là-dedans, puis ça lui fait peur elle-même un peu. Tu vois qu'elle n'est pas très enclin à aller vers là, mais c'est qu'elle manque d'argent, elle a besoin d'argent. Fait qu'elle y va, puis plus ça avance, plus qu'elle y prend goût. Mais t'sais, au début, je trouve que c'est un peu plus de l'horreur psychologique un peu, là, comme tu disais. Non, je suis entièrement d'accord. Ça me fait penser à ma mère. Voilà. T'as mis le doigt, tu sais. Quelle belle intervention de Sébastien. De Uber Sébastien, disons-le. Je suis entièrement d'accord avec vous autres. On peut pas dire plus vrai que ça. C'est plus 2 font 4, hein, Sam? Non, mais tu sais, c'est comme dit le proverbe, hein? 2 plus 2, ça fait 4. Ah. Excellent. Hey, Steph, toi, qu'est-ce que t'as pensé d'American Mary? Ben écoute, je l'ai bien aimé, honnêtement. Là. Mais c'est ça, comme tout le monde, là, je voulais voir un petit peu plus de scènes. Tu sais, ils te mettent en appétit, puis à un moment donné, oups, tasse la caméra, tu vois rien. Tu t'imagines la scène, j'aurais aimé la voir, la scène. C'est vrai, ça, c'est tellement vrai. Mais à part ça, non, sérieusement, les acteurs, l'image, tout est beau. Ah oui, ça, hey, l'imagerie, ça va être super gros... Comment je dirais ça? Ça va être comment je dirais ça, c'est surévalué ce que je vais dire là, ok, totalement. Mais le style visuel m'a beaucoup, beaucoup fait penser, comme si ça serait inspiré des giallo italiens des années 80. Il y a beaucoup, beaucoup, la coloration du film me fait penser au vieux Argento. Ça m'a fait triper solide, puis j'ai trouvé ça comme... pas effronté, mais au contraire, c'est un bel hommage, puis ils l'ont, tu sais, c'est, comment je dirais ça, l'ont essayé, puis ça a bien marché, parce que c'est quelque chose que tu l'essayes, ou tu l'as, ou tu te plantes, puis là, je trouve que ça a bien marché. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, puis que je pense que c'est juste parce que vous l'avez oublié. Le caméo des sœurs Saskia. Ouais. Ouais. C'était-tu ouais. à chier? Ouais. Oh my c'est god. Ça. Écoute, quand je te disais tantôt que l'amélioration des acteurs, c'était en partie à cause que les sœurs n'étaient pas là. Mais tu sais, écoute... Tu sais, sont bonnes réalisatrices, mais... Non. Écoute, actrice, j'ai la personne de qui j'ai eu ce screener-là. Okay, c'est un ami qui est podcasteur, qui fait un podcast américain qui a fait le review de ce film-là pour son show. Puis j'ai dit, écoute... C'est-tu moi, ben, quand les sœurs Saskia apparaissent, pis c'est des Russes dans l'histoire, ils sont Russes, puis ils se sont fait un accent pas possible. Là, j'ai dit, c'est-tu moi, parce que je suis francophone, que j'écoute leurs faux accents russes, que je trouve ça complètement ridicule. Il dit, si toi tu trouves ça ridicule, dis moi je trouve ça ultra ridicule, ça a pas de crise de bon sens. C'est de valeur parce que, tu sais, ils ont hypé, ils les font arriver, puis, tu sais, ils sont belles, puis, tu sais, ouais, ils font ça. Belles, ouais. Ah, ils sont très très belles. Mais, tu sais, ils mettent un gros high sur eux autres, puis ils ont l'air comme vraiment. L'accent ne marche pas. Ça m'a turné off, là, mon gars, mais tellement, ça m'a fait débarquer du film complètement, à 200%. Ils sont pas là longtemps, heureusement. Ben, c'est pour te taper ses mains. C'est ça, un petit peu trop pareil. Tu te rends compte que c'est pas des actrices. Là, non, c'est que... ça. Mais c'est surtout l'accent. T'sais, le reste, bon, tu sais, c'est correct. Là, ils veulent se montrer. Mais l'accent, c'était pathétique. C'est pas grave, ça n'en fait pas un mauvais film. Ouais. Comment je dirais ça? Étant donné qu'on est rendu un... Podcast 2.0, j'ai pensé qu'on pourrait se donner une espèce de nouvelle notes, façon man, de coter. Ben, malade, de... ça serait dur. Hein. Moi, je vais avoir de la misère à donner des notes, mais on peut le faire. Des notes sur 5 ou sur 10? Je sais pas. Sur 7. Dis un chiffre entre 5 et 10, Steph. Sur 7,5. Non. 7,5. Non, mettons qu'on y va sur 10, comme ça va nous donner un peu plus de jeu. Okay? Je vous laisse même pas le temps d'y penser. Kevin, ta note. Moi, je te dirais à peu près 7 membres sur 10. Ouh, René. Je tournais autour de ça, pas moi aussi, c'est que Pierre. On va dire 7 membres et tout. Steph. 6,66. On reconnaît la terreur dans Steph. Ben ouais. Ouais, moi, je pense que je suis du côté de Steph, parce que si on calcule sur 10, je me dis que 5, c'est un film moyen, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Je vais le mettre à 6,5, mettons, juste parce que c'est un petit peu mieux que ça. C'est vraiment pas un film à tout casser. C'est un film que je conseille de louer à tout le monde, vraiment, parce que, écoute, c'est bon, c'est encourager un film indépendant, encore une fois, mais c'est rien qui va vous foutre à terre, jamais, jamais, jamais. Il y a beaucoup de fois où ce que vous allez faire comme « Ah, c'est cool, je vais avoir de quoi de fucking hardcore », puis non, on nous laisse tomber trop souvent, c'est vraiment juste ça. Fait que je vais lui donner un bon 6,5. Ceci étant dit, Steph, ah ouais, donc. T'es-tu prêt? Toujours. Mettons qu'on y va en musique. Là. OK. Juste ben, un band faire... ce soir, hein? Ben oui, juste un band, mais je vais faire une petite seconde de silence avant. Oups. Ant-Man qui est mort. Oh, man. Qu'est-ce qui va arriver avec Slayer? On le sait pas. Hein? Oh, ça, man, ça me met down. Man. Ministry une semaine, Slayer l'autre. Là, on voit ce qui se passe à Gazale Dying. Man. Wow, ouais. C'est, ça va pas bien. Man. Bon, en plus, la journée des remises des. Voyons, c'est quoi le nom? Là, les choses pour le métal. Là, les Gods. Je sais pas. Gods Award, quelque chose. Hein, c'est arrivé cette journée-là en plus. Calique! En tout cas. Il se rendait là-bas, là. Fait une seconde de silence. Une semaine. Une seconde. Ta gueule. OK, c'est fait. C'est fait. Que non, écoute, le band que j'ai choisi cette semaine, c'est Hello Kitty. Oh! Hello Kitty. Mais c'est spécial, parce que j'ai pris un album qui est comme pas... dans le fond, ça décrit pas le band pas en tout. C'est un album acoustique, celtique un petit peu, c'est barre... moins accessible, je pense. Okay. Moi, je tripe bien sur cet album-là. C'est Evocation 1 The Arcane Dominion. La toune qui serait connue, en tout cas, c'est leur toune la plus écoutée sur YouTube. C'est plate, là, parce que les autres albums sont bien meilleurs, là, mais elles sont plus métal, les autres. Là. C'est Omnos. C'est un groupe quoi, ça? Finlandais? Ou... Non, ça, eux autres, c'est un band suisse. Ils font dans Swiss, le folk metal death mélodique, normalement. Excellent. Ça roule depuis 2002, ils sont sur un Nuclear Blast Record. Écoute, on va y aller tout de suite avec une première toune. On va aller écouter la toune titre, The Arcane Dominion. Excellent ça, allons écouter ça. Yes. Thank you. bien fif. Hey. Yes. C'était bizarre, comme dirait Steph. C'était bizarre. Ouais. C'est spécial, c'est spécial. C'est original, comme diraient les vieux. Différent. Faut être ouvert à la musique. Exact. Revenons-en à nos moutons. Écoute, on a passé des bandes bien plus spéciales que ça. Là. Ouais, il ouais. y a déjà un nom qui me vient à l'esprit. Ça part. Bon. Allez, revenons à nos moutons. Je voulais vous parler, finalement, finirai par vous parler de Zombie U. Il n'y a même pas de mouton là-dedans. Oh, ta gueule. Zombie U, ok, c'est pas un nouveau jeu, même que je dirais que c'est un vieux jeu, mais comme j'ai dit dans le show avec Sébastien, il n'y a personne qui achète des Wii U et anyway, fait que c'est encore de quoi de récent. C'est pour ça, les meilleurs jeux. C'est clair. Hey, les non. seuls qui ont acheté des Wii U, c'est ceux qui les ont achetés à la sortie. Là. Après, le monde en fait, ah, ça va être de la merde. Ah, il y a même le bundle avec Zombie U à cette heure. Ouais. Ben, c'est ça que j'ai acheté, moi. Moi, je fais partie de Gabin, ça, je vais vous faire une review vite de la Wii U. J'adore cette bébé-là. Honnêtement, là, je trippe solide. Sauf la raison pourquoi je l'ai acheté, moi, c'est pour la même affaire que pour la Wii, c'est pour jouer avec ma copine. Ma copine qui est pas gamer pour 5 cents. Sérieusement, zéro pinball. Une fois de temps en temps, c'est-à-dire une ou deux veillées par mois, on va s'asseoir puis ça va être tenté de gamer. Puis là, on va s'asseoir devant justement soit un jeu doux, whatever, puis on va gamer ensemble. C'est à ça que ma Wii me servait, puis là, c'est à ça que la Wii U me sert. Sauf que, c'est ça, il y a une couple de bons jeux que, mettons... parlons d'Arkham City, parlons de Darksiders 2 que j'avais pas acheté ces autres consoles que je vais faire sur le Wii U juste pour le petit extra de plus. Je comprends que c'est pas une console pour tout le monde, je comprends qu'il y a du monde qui sont déçus de l'avoir acheté. Moi j'ai été chanceux parce que j'ai gagné une espèce de j'ai gagné un bundle de PS Vita avec une coupe de jeux. J'avais déjà la Vita, fait que j'ai tradé ça contre une Wii U, ce qui fait qu'elle m'est revenue vraiment une poignée de change. Là. Fait que je la regrette vraiment pas. Ah. Fait que en plus, là ils ont annoncé la suite de comment que ça s'appelle, Eternal Darkness, exclusif à Wii U. Je suis fou comme de la marge, j'attends ce jeu-là comme c'est pas possible. Non, je la regrette pas. Je l'aime beaucoup, justement, en partie grâce à Zombie U que je vais vous parler aujourd'hui. Quoi dire sur Zombie U, à part que c'est un survival horror à première personne qui ressemble beaucoup à Dead Island, sérieux, au premier lieu. Que c'est, toi, René, tu y as joué, là, tu vas... Fait que tu vas me couper à tous les fois et je vais dire de quoi parce que t'es pas d'accord encore. Non, ben c'est pas que je suis pas d'accord, c'est juste que je trouve que c'est un peu plus. Tu sais, il faut un peu plus la chienne que. Ouais, faudrait peut-être que tu me laisses deux minutes le temps d'en parler, ouais. Fait que c'est ça. C'est un survival horror que je dis à première personne. Là où je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec Dead Island, c'est vraiment au niveau du graphisme qui sont très très très semblables. Le fait que c'est à première personne puis que, bon, ton arme principale ou puzzle, là, ta première arme dans Zombie U, ça se trouve être un bat de cricket pour battre tes zombies. J'ai trouvé ça très cool, d'ailleurs, la première fois que tu tapes un zombie sur la tête, puis tu vois vraiment la cervelle éclater, mais solide. J'ai fait comme, wow, c'est parce que je l'ai pogné sur la tête, ça gite là, et puis tout, ça revolait ses murs. J'ai trouvé ça vraiment trippant. Mais je me suis rendu compte assez vite que c'est une animation qui est là pour toutes les fucking zombies. Fait que tu y tapes sur un doigt, puis le cerveau il éclate, c'est vraiment weird. Mais ouais, c'est ça. Ce jeu-là est vraiment pas... Il me donne l'impression que c'est un premier jeu. Mais tu sais, c'est classique à la Wii, ça. Tant qu'à moi, les animations, ça n'a jamais été le fort de la Wii. Ouais, mais là, on parle de Wii U, là. Ouais, je sais, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même une continuité de la Wii. Non, pas tout à fait, là. Faut vraiment pas voir ça de même, parce que sérieusement, il est vraiment mieux, il est vraiment bien fait, je veux dire. Ce jeu-là, il pourrait être sur les Xbox 360 ou les 3. Ouais. D'ailleurs... les avantages du Wiimote. Attends un peu, j'ai pas compté là vous, à cause de vos interventions, vous fourrez mes rênes. À cause que je suis pacté aussi, vous m'aidez pas. Ça se passe à Londres, une intervention de zombies, tout ce qu'il y a de plus classique, une histoire qui est quand même intéressante, l'histoire, parce qu'elle elle va nous faire promener partout au travers de Londres, puis pour avoir certains indices, c'est important de pas juste rentrer dans le tas, de faire attention à ce que tu fais, comparativement à ben d'autres, justement, survival horror, que tout ce que tu veux faire, c'est arracher des têtes, puis buter du monde. C'est pour ça que je disais que c'était différent un peu de Dead Island, quand je t'ai coupé. Non, ben t'avais raison en même temps, parce que moi, j'ai eu bien plus de frousse dans Zombie U, à bien des places, parce que t'as des moments que tu t'y attends pas. Il y a aussi le fait que t'es toujours mal pris dans Zombie U, un peu comme dans les premiers Resident Evil. T'es toujours dans la merde, puis un peu comme les réalisateurs du jeu en avaient déjà parlé, ce qu'ils voulaient, c'était de te rendre insécure à 200%. Et ça marche parce que dans ce jeu-là, tu ne veux pas mourir. Parce que quand tu crèves, tu perds tout. Un peu à la Dark Souls. Quand tu meurs, Faut que t'ailles retrouver ton cadavre qui est maintenant rendu un zombie, le buter pour ramasser son pack-sac pour pas perdre tous les items que t'avais ramassés ta game d'avant. Des fois, ça peut être chien parce que les saves sont cool, très loin. Mais très. Ouais. Parce que ça peut être chien, par exemple, parce que le save point peut être très très loin d'où ce que t'es mort, puis t'as le temps de remourir une couple de fois avant de te rendre. Ce qui arrive que tu peux mourir sans avoir ramassé ton pack-sac, ce qui veut dire que ton pack-sac est perdu dans le néant et que ton personnage, avec son pack-sac bien plein, se ramasse online dans une game de quelqu'un d'autre. Fait que ça m'est arrivé, moi, de me promener quelque part complètement perdu dans l'ombre, puis de voir un personnage, un zombie complètement random avec un pack-sac, avec un autre gamer au-dessus. Tu le massacres, puis tu le payes, tu ramasses tout ce qu'il y avait, puis c'est vraiment cool. C'est un petit côté que j'aimerais vraiment trouver le fun au jeu. À part de ça. Les indices aussi que le monde peut t'écrire, ça aussi, c'est pas pire. Oui, mais tu sais. Ouais, c'est encore. Ouais, ça rend un peu plus facile, mais genre, ouais, attention, il y a bien des zombies. C'est ben très, des... très, très Dark Souls, ça aussi. C'est très, très Dark Souls, hein. Tu peux. Comment je dirais ça? C'est un petit peu plus shooter que je dirais que Dead Island, parce que quand t'as des guns là-dedans, il faut que tu t'en serves, parce que le bat de cricket, c'est la seule arme, mettons, en close combat que t'as. Puis ça va pas trop très bien. Là. Ça, là-dessus, vraiment, le mode de combat avec la batte de cricket, faut que tu sois habitué, c'est vraiment pas évident. Un coup, tu l'as, c'est pas pire, mais au début, c'est dur d'assimiler. Fait que c'est ça, c'est vraiment plus un jeu de tir. Quand tu pognes des guns, à part que, bon, t'as jamais de balles, écoute, c'est un survival horror, ils sont toujours très durs à trouver. Fait que faut que tu t'en serves, tu ménages. Non, le côté tactique de ça est vraiment bien, j'ai adoré. Le fait que tu puisses pas poser le jeu non plus, t'es toujours en train de jouer. Même quand tu fouilles dans ton inventaire, ça joue. Tu peux te faire attaquer n'importe quand, de n'importe quel bord. Tu sais, c'est... Même quand t'as un radar, t'as un petit radar qui se trouve être sur ton gamepad. Exactement, sur le gamepad. Des fois, tu les vois apparaître à la dernière minute, ils vont te sauter dans le dos, t'es fait. Puis crée-moi quand ils sautent dessus. T'es pogné. Ça pardonne pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que, encore une fois, à la Dark Souls, quand tu te pognes contre un zombie, t'as des chances. Quand, à partir du moment qu'ils sont deux, c'est plus risqué. Là. Il faut que tu fasses extrêmement attention. Fait que non, côté challenge, côté l'inquiétude du survival, le fait que tu veux vraiment pas crever, mais vraiment pas. Là. Présentement, je l'ai pas fini le jeu, mais le personnage que j'ai, là, ça fait, je pense, ça fait 2h30 là, qu'elle est pas morte, là, puis j'ose pas repogner ma game, parce que tu peux pas dire, ah, je vais jouer, puis au pire, je saverai pas. Non, non, non. À la seconde que tu meurs, avant même que ton personnage soit tombé par terre, la game se save tout seul. Ah, fait qu'il n'y a rien à faire, là. C'est vraiment. C'est traître. Ah, c'est terrible, mais en même temps, tu sais, c'est un challenge de plus, puis j'ai trouvé ça vraiment bien. Les bads de ce jeu-là, ils me donnent l'impression que c'est un premier jet. J'espère, je sais pas s'ils en ont parlé, mais j'espère que c'est ça, c'est l'espèce de. C'est sûr que c'est un jeu de lancement, mais je veux le Zombie U 2. Puis je veux pas qu'il soit nommé comme ça, parce que déjà que Zombie U, c'est le nom le plus lame de l'histoire. Non, c'est Zombie U 2. Oh, man, c'est vraiment horrible. Faut pas, va falloir qu'il trouve quelque chose d'autre que ça. Mais c'est ça, parce que écoute, tu te promènes dans la map est quand même bien faite. Elle te donne pas toute l'impression, par exemple, qu'elle est grande. Tu sais que c'est short. Je veux dire, à un moment donné, tu te promènes dans Buckingham Palace, puis je veux dire, c'est pas plus grand que mon salon. C'est vraiment étrange. Fait que tu sais, on comprend l'idée. L'idée est très bonne. Comment tu te déplaces, les raccourcis entre un et l'autre, les combats sont bien, les armes sont bien, le fait que tu puisses les modder, c'est vraiment très bien, mais c'est tout, c'est pas assez développé dans tous les points. Ouais, ils ont été obligés de lancer ça plus vite pour le... Il y avait des idées à travailler, mais ils ont été obligés de la se grouiller pour faire le lancement, fait qu'ils ont sauté quelques étapes, puis ont donné un... C'est exactement un jeu normal. Que ça me donne. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi, mais ça fait absolument pas un mauvais jeu de ça. Est-ce que c'est une raison d'acheter la Wii U. Je si dirais vous aimez l'horreur, oui. Ouais, mais tu sais, je veux dire, j'achèterais pas honnêtement la Wii U juste pour ce jeu-là. N'importe qui a la console, par exemple, je dis go for it, achète-toi ça, ça vaut vraiment la peine. Mais non, vraiment pas pour la console, parce que c'est ça, il est pas parfait, il y a plein de bugs, les graphiques sont l'ambiance musicale est fucking extraordinaire, par exemple. Sérieusement, ça, c'est bien. Les jeux de lumière sont parfaits. Tantôt fait noir, tantôt c'est éclairé avec de la lumière, puis avec de la pluie. Puis, ah, non, c'est vraiment. L'ambiance est bonne, sérieusement. Là, quand tu te sers de ton gamepad pour, admettons, chercher les indices ou chercher les affaires, puis que le zombie te paraît dans la face, aussi, c'est bien fait. Là. Ouais, mais ça, c'est l'autre affaire. Ce que je voulais en venir, c'est le fameux gamepad, parce que là, on parle d'un jeu de Wii U, là. Un jeu de lancement, une espèce de tech démo, si on veut. Fait qu'on veut se servir du gamepad. Est-ce qu'il sert à quelque chose là-dedans? Ouais. Tout à fait. Il y a plusieurs utilisations qui sont vraiment le fun. D'ailleurs, tu peux Tu peux débarrer des portes, tu peux faire un paquet d'affaires. Il y a une fois où ce que tu peux défoncer, une porte qui est barrée, tu peux la défoncer juste en tapant dans le gamepad, j'ai trouvé ça ridicule, mais le reste du temps, à toutes les fois que tu t'en sers, ça marche très bien. Que ce soit pour ta map qui est tout le temps là, où on a une espèce de scanner qui se trouve à être qui sert de tous les gyros du gamepad et qui fait que un peu à la manière de la manière de la 3DS, tu regardes partout dans tes alentours puis tu peux scanner des indices puis toute la patente, c'est vraiment bien. À part de ça, ben c'est ça. Pour ce qui est de l'histoire, de l'intrigue, l'intrigue est vraiment bonne. On a le goût d'enquêter, on a le goût de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, pour savoir pourquoi. Je l'ai pas fini, mais je peux déjà dire que ça va être un sale punch à la fin, c'est certain. Et c'est ça. J'ai pas essayé le multiplayer, toi, René, tu me dis que tu n'as pas eu la chance non plus de l'essayer. Faudra qu'on fasse ça. Faudra qu'on fasse ça. Donner un rendez-vous galant. Ben là, peut-être pas galant. On joue aux chandelles, ça va être super. Oh, mais t'es une fille dans le jeu, non? Moi, j'étais un gars. Moi je suis rendu une fille, là, c'est vrai. Mais ben, à toutes les fois que tu meurs, il y a moi tu changes de personnage, hein, je l'ai pas dit. Ouais, mais... ça c'est pour payer, tu deviens. Ben, ce que j'ai pas aimé, moi, là-dessus, j'avais demandé aux développeurs pourquoi. Ils ont pas eu le temps, c'est la raison qu'ils m'ont donné, mais j'avais demandé pourquoi, mettons, t'es un gars de l'armée, t'es pas plus fort que la comptable. Tu sais, parce que quand ton personnage réapparaît, t'es avec, mettons, une. Tu peux être une secrétaire, tu peux être un gars de l'armée, ouais, tu peux être. C'est aléatoire. Ouais, mais j'aurais aimé que, mettons, ton gars de l'armée. Hey, des techniques, fesses plus fort, ça est plus précis. Puis ta chick, admettons, qui est secrétaire, elle est juste plus faible. Il y aurait moyen d'importer ça dans le jeu, puis ça aurait ajouté un élément. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. C'est arrêter de la boîte, parce que quand tu te ramasses, admettons, tu meurs, puis là, tu pop en secrétaire, ben tout ce que tu veux, c'est remourir tout de suite pour avoir un dos de puissant. Non, ça aurait pas été cool. Non, mais c'est parce que, oui, mais d'un côté, c'est un autre challenge. Parce que c'est comme un policier, toi. Wow. Ce jeu-là, il est assez tough. Là, il est, Ça me fait mauvaise à ma mère. Ah oui, mais c'est pas de sa faute, ta mère est tough. Je voulais dire que ce jeu-là, il est assez dur. Dur comme Blasty de porn gay illégal grec. Dur! Qu'on n'a pas besoin d'un autre challenge de plus. Chris, sérieusement, oui. Il est tough. Il fallait. Hey, je suis rendu plus loin que toi dans le jeu, va chier. Parce que moi, tu sais. Toi, va t'acheter une Wii U par être de chialer. Non, mais tu parles de secrétaire, puis ça fait de même. Tabarnak, il y a de la bière dans mon écran. Dans Walking Dead, tu sais, Michonne, c'est une avocate, man, puis. On s'entend qu'il a décapité plus de zombies qu'il y a peut-être bien des gars de l'armée, tu sais. Tout à fait. Quand un scénario comme ça arrive, man, tu sais pas qu'est-ce que man, le pompiste va être capable de faire ou whatever, man. Et comme moi, c'est que t'as l'impression que tu sais, c'est la même base, c'est juste l'image qui sort. Ça aurait été le fun que t'aies l'impression que ton personnage change aussi, que ça c'est pas juste l'avatar, si on veut, le look, sa face, puis. T'sais, t'as l'impression de tout avoir le même bonhomme à lui mettre, si on veut, avec une face différente. Non, mais dans ce cas-là, qui développe un peu plus le côté RPG. Moi, je suis pas d'accord, parce que dans ce cas-là, il aurait fallu que ce soit moins aléatoire, puis à toutes les fois que tu repasses, c'est ça, t'as un nouveau personnage. Tu veux pas te ramasser avec un faible, c'est comme je disais, c'est déjà assez tough, là, Chris. Oui, moi, j'aurais aimé ça. Ouais, mais toi, on s'en fout de ce que tu penses. Plus que ça. De toute façon, moi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais à date, là, tous les jeux de zombies, il y en a pas un qui m'a complètement satisfait. Non. Tu sais, j'ai joué à Left 4 Dead, j'ai joué à Dead Island, j'ai pas joué à... Moi, Left 4 Dead, là, côté multi, il a gagné la palme haut la main, j'ai tellement aimé ça, j'aime encore ça d'ailleurs. Mais ouais, non, mais honnêtement, là, on parle de Zombie U, puis le fait que tu dis ça, j'adorais Dead Island, mais il était pas parfait. Je pense que j'aime mieux Zombie U que Dead Island, honnêtement, je pense que c'est mon top à date, même si je un petit peu dans les jeux zombies, parce que j'exclus genre Resident Evil pis ces choses-là. Moi, je parle vraiment genre à la première personne, tu sais, un survival zombie. T'as plus la chienne avec Zombie U qu'avec Dead Island. Tout à fait, okay. Il y a beaucoup plus d'ambiance, puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est mon préféré à date, malgré le fait que c'est ça, je commence à être un peu tanné des jeux de zombies, pour être franc. Ouais, mais... ben c'est ça, c'est parce qu'il y en a, à date, il y en a pas un qui nous a satisfait. Bon, mais là, tu vas être correct. Il y en a-tu un de vous autres qui est en train de se couper les ongles? J'entends que clic depuis tantôt, il me tombe ses nerfs en tabarnak. C'est Steph. Ça, c'est Steph. Manicure. Je sais pas. T'es en train de streamer le poil de barbe, d'après moi. Hey, c'était ma review de Zombie U. Faut-tu que je te donne une note, là? Ouais. Non. Combien de membres sur 10? Ah, God. 6, non. Non, c'était un... Ça va être la même maudite affaire que le dernier film. Ça va être un 6.5 sur 10, encore même chose. Parce que en disant que c'est ça, 5.5 étant un film pas bon, pas mauvais, je vais lui donner un 6.5 parce que c'est un peu au-dessus de ça. Dans le 7 encore, juste parce que t'es dans le... comment dire, l'ambiance, le côté ambiance qu'il apporte malgré ses défauts, puis le côté sur Wii U, vu que c'est une première, tu vois qu'ils ont été pressés, tout. Je dirais que. Mais le côté Wii U marche très bien, hein, soit dit en passant. Tout le fait que ce soit sa Wii U, ça fonctionne, là, je trouve ça vraiment bien. Ouais. Il y a des, tu te sens pas handicapé par la manette comparativement à d'autres jeux. Fait que, mais ça fait pas acheter la Wii U. Non, pas en tout. Ben, à mon avis, oui, parce que le bundle a le même prix, je pense, que l'original, où il y a 20$ de plus, le bundle. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas en jouant à ce jeu-là. Mettons, Steph, il vient chez nous, il n'y a pas de Wii U, je passe la manette, il va pas faire comme ah, tabarnak, ça me prend une Wii U tout de suite. Je pense pas. Ça dépend. Ouais. Non, je suis d'accord, ça dépend du monde. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Mais je pense que. J'ai pas regardé les critiques, honnêtement, de ce jeu-là, mais je pense que je dois être une exception. Je suis tout le temps une exception en matière de jeu. Non, il a été quand même très bien aimé. C'est juste que, comme on dit, il y a bien des défauts qui arrivent au début. Je suis fatigué à ce petit son-là. Ouais, je sais pas c'est quoi, ça tombe sur une note solide. Il y a juste des. Comme dit, il y a eu des bonnes notes, mais ça reste un jeu qu'il faut apprendre à aimer aussi. C'est bon. Le Dark Soul de l'horreur, si on veut. Hey, je sais pas qu'est-ce que Seb en a pensé de ça. Non, mais tu sais, c'est comme dit le proverbe, hein, 2 plus 2, ça fait 4. Tabarnak. Tu lui donnes un 4, c'est pas original, qu'est-ce qu'il dit. Tu te répètes donc bien à soir, Seb. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec vous autres. Ben, on peut pas dire plus vrai que ça. Ouais, t'es cool. Ça me fait penser à ma mère. Man, j'ai vraiment... C'est-tu qui a pas pensé, hein? Il m'a vraiment laissé un symbole qui dit ça. Ça me fait penser à ma mère. Hey man, j'étais en train de lire le dernier numéro de Put Magazine, puis sur le cover, il y avait une grosse madame en train de sucer un cheval. Ça me fait penser à ma mère. Hey, ça nous fait tout penser à ta mère. Bon, ben, guys. Hey, le prochain jeu, tu nous fais-tu Resident Evil Revelation, ça oui. Ben, pourquoi pas? C'est une autre raison pourquoi j'ai hâte de je suis content d'avoir ma Wii U. Mais okay, non, ça va être plus pour le justement la suite de Eternal Darkness. Ceci étant dit, on passe ça en musique, là. Steph? Ça le fun, ça. On peut bien essayer. Ah ouais, donc, Steph. Hey, écoute, avant de mettre la musique, je vais nommer un petit peu les instruments qui font partie de cet album fantastique. C'est mieux d'être intéressant. Ben oui, écoute, il y a quelqu'un qui chante. On revient. Wow. C'est comment qu'on appelle ça déjà, un chanteur? Non, vas-y, continue. Deux morceaux de robot. c'est ça, il y a la flûte irlandaise, de la Ulian Pipe, de la mandore, de la guitare acoustique, du Bodran. Bodran. Comment tu dis ça, toi? Du Bodran, c'est quoi la petite claque, tabarnak? C'est pas moi qui se fais zone, ok? C'est là. Gossant, mais c'est... Il y a de la. Au début, je pensais que c'était une vieille à roue. Ça aurait été drôle, mais c'est une vieille à roue. C'est moins drôle. c'est bon. Non, c'est ça. C'est pas mal. Spécial les instruments qu'ils utilisent pour faire les sons. Ouais, mais as-tu entendu Dan Vaillanco ce qu'il pense de la vieille à roue? C'est bon en sacrement. C'est bon, ça. Non, fait qu'on va y aller avec la deuxième tourne. Écoute, Nata. Ben, pas plus compliqué que ça. Allons-y. Ah, Dan? C'est ça. Non, je comprends. T'as mané, tu fais comme bon, mais gars. Merci, Dan. On va aller écouter ça. Yeah. De retour, Steph, encore une fois, ta musique me surprend. Toujours. C'est gentil. Ben, c'était moins fif, en tout cas. Jake Lee, hardcore. Là. Moi, j'étais un métalleux. Je suis entièrement d'accord avec vous autres. On peut pas dire plus vrai que ça. Toi, t'es un métalleux à fond, monsieur Rapstar. Parle pas de mon passé obscur. C'est bon. Hey, maintenant, on en est au gros point de notre show. Un film qu'on attend depuis longtemps, qu'on avait donc hâte de voir, puis que ça y est, on l'avait. The Lords of Salem, du génie Rob Zombie. Et qu'on l'attendait, ce film-là, pareil. J'ai tellement eu de crainte envers ce film-là, justement à cause du dernier le dernier show que j'avais fait sur de Evil Dead. Ce film-là m'a comme rendu un petit peu... J'ai regagné mon espoir que j'avais pour les films d'horreur en me disant que bon, ça se peut encore, il y a encore du monde qui sont capables de réaliser des choses cool. Mais là, Rob Zombie, c'est un gars que j'adore. J'adore 200 000%. C'est un gars qui a quand même dédié toute sa vie autour de l'horreur. Tu dis, il connaît son affaire. Depuis le début, je suis un fan fini de House of a Thousand Corpses. J'ai adoré ce film-là du début à la fin. Qui a pas aimé ce film-là? C'est sûrement pas du monde qui nous écoute, ça c'est certain. Oh, c'est un chef-d'œuvre, ce film-là. The Devil's Rejects est extraordinaire. Ah ouais. Ces deux Halloween étaient bons. Le premier, je l'ai adoré. Le deuxième, que personne n'a aimé, je l'ai encore une fois adoré. J'ai jamais vu un Mike Myers aussi brutal. Même El Super Beasto, man, c'est son cartoon à Rob Zombie, j'ai adoré. Ouais. Sérieux, je suis vendu. Mais là, on arrive avec la promesse de Lords of Salem. J'étais tellement inquiet pour la première chose, la première raison, Sherry Moon Zombie. Elle est belle, c'était écœurant, là, c'est bien hot, là, mais bon, dans le rôle de Baby, là, dans House of Thousand Corpses, puis The Devil's Reject, elle marche, là, elle joue l'espèce de petite nenouche cruche, là, c'était correct, ça marchait très bien. Même dans le Super Beasto, elle faisait la même affaire. Dans Halloween 1, on la voyait pas trop, c'était correct. Dans Halloween 2, elle était mauvaise, man. Elle m'a fait débarquer du film complètement. C'était, tu sais, je veux dire, c'est... Elle est bonne pour des clips. Ben là, je me demandais, tu sais, je veux dire, c'est pas une comédienne, on le sait, là. Puis là, on sait que The Lords of Salem repose entièrement sur elle. Parce que, ben oui, Sherry Moon Zombie est... la comédienne principale du film. Allons-y, donc, mettons, Lords of Salem 2012, 5.4 sur IMDb. Bon, écrit, dirigé, réalisé, tout ce que tu veux par Rob Zombie. Mettons en vedette Cherry Moon, Bruce Davidson, Jeff Daniel Phillips, Judy Gibson, qui c'est qu'on connaît pas d'autre ça dans le lot. L'extraordinaire Dee Wallace qu'on a vu dans ben d'autres films d'horreur. Puis des petits caméos d'un paquet de monde qu'on a vraiment pas besoin de préciser. L'histoire de Lords of Salem. C'est l'histoire de Heidi, jouée par Sherry Moon, qui est une DJ dans une radio locale de la ville de Salem en Massachusetts. En tout cas. Fait que c'est ça, elle est DJ dans un espèce de show, un espèce de late show de musique étrange avec du monde étrange. Ah ouais, où ce qu'ils font passer. Tu sais, c'est un espèce de. Ça ressemble à une espèce de Saturday Night Live radiophonique, si on veut. Où ce qu'ils passent des choses étranges, ça fout de la gueule d'à peu près tout le monde. C'est bon. En début de film, on voit qu'ils se foutent complètement de la gueule d'un espèce de vénérateur, ça se dit-tu, de Satan. C'est très bon, ça marche très bien. Elle, après un show, reçoit une espèce de boîte en bois énigmatique qui contient un vinyle d'un band qui s'appelle The Lords. À seconde qu'ils font jouer, elle arrive chez eux, fait jouer son espèce de vinyle de The Lords. C'est vraiment des espèces de sons foutrement étranges qui sortent de là. Ça se trouve être, tu sais, ce qu'ils appellent l'accord du diable, un triton. Un triton qui est en loupe avec des instruments louches qui jouent. En tout cas, elle devient comme confuse. Elle se met à pas triper. Elle ainsi que plein d'autres personnes, parce que elles vont finir par passer cette vinyle-là à sa station. Qui va faire comme bad triper un paquet de femmes qu'on va voir tranquillement pas vite dans la ville de Salem. On comprend très vite, à cause de ce qu'on a vu au début, que c'est un espèce d'enchantement des sorcières, les fameuses sorcières de Salem, qui ont posé une malédiction. Ben oui, c'est une histoire classique. Qui ont posé une malédiction sur la ville de Salem et ses futures filles, les futurs fils et toute la patate. Je peux-tu te couper 2 secondes? Vas-y. Justement, dans l'intro, là, moi, on aurait dit, tu sais, les genres de thérapie par le rire, là. Hein? Je comprends pas trop. T'as pas eu la même... Je sais pas, moi, quand j'ai vu l'intro, là, j'avais l'impression de voir des thérapies par le rire, là, que le monde s'en regarde en face, puis ils font « Ils rient, genre... Vois-tu, je connais pas les thérapies par le rire, okay, puis je pense que c'est une bonne chose. Qu'en fin de compte, lâche la boisson. Ouais, mais la flaque d'eau... Continue ta thérapie. C'est bon. Enfin, je suis dedans, puis ajoute-toi une botte. Comme fois, attends, c'est bon, les gars. Je vais mettre mon micro sur mute. Et voilà, il est temps qu'ils comprennent. Astor Mécroné est compris. Si Seb avait été là, il aurait été de mon bord, je suis sûr. Hein, Seb? Non, mais tu sais, c'est comme dit le proverbe, hein? 2 plus 2, ça fait 4. Merci, Seb. c'est étant dit, Mécroné, il a compris ça aussi, il met le micro aussi mieux, ça va bien aller. Je comprends jamais. Bon, hey, on était rendu où? Ah, fait que c'est ça, fait que c'est... Je viens de faire une overview de l'histoire. Finalement, c'est pas plus compliqué que ça. Les sorcières de Salem qui auraient mis une espèce d'enchantement qui revient sur les filles de Salem. Une espèce d'histoire de don des filles, en tout cas, finalement, à Satan. On comprend dans l'histoire, dans l'introduction du show aussi, qu'il y a eu une espèce de... Comment est-ce qu'il s'appelle? Le révérend Jonathan Hawthorne, qui a été l'espèce de premier à faire brûler cette espèce de secte de sorcières, là, les sorcières de Salem. Chasseurs, c'est un révérend. Anyway, tout ça pour dire que, c'est ça, c'est à ce moment-là qu'il y a la malédiction qui est déposée, puis toute la patente. Et tout. Le film se développe, plus ça va, plus la malédiction fait face, puis plus le monde trippe pas bien. Une petite love story au travers de tout ça, blablabla, je veux pas vraiment spoiler le film, parce que c'est quand même assez particulier. Kevin, démute-toi donc un peu. Je pense que t'en as long à dire sur ce film-là. Je veux vraiment savoir ton opinion sur The Lords of Salem de Rob Zombie. On l'a tellement attendu. T'étais-tu content? Non. Non, mais... OK, merci Kevin Astor. On va... Non. C'est ça, j'en avais long à dire. Non, mais sérieusement, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment long comme développement. Tu sais, le rythme était vraiment lent. Genre, avant qu'il se passe de quoi, je trouve que ça a pris un bon 40 minutes, certains, là, tu sais, avant que... Oui. Oh, oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai, non, c'est ça. Moi, je trouve qu'un film d'horreur, il faut qu'il y ait plus, un peu plus d'action, tu sais. Tu sais, avant que au début, on comprend qu'est-ce qui va se passer... On s'y attend, mais tu sais, c'est tellement lent avant que ça arrive qu'on a le temps de genre décrocher genre du film un peu. Puis je trouve ça dommage parce que on avait tellement d'attente en plus envers ce film-là que. La raison que je te coupe pas, c'est que je suis totalement pas d'accord avec toi. Mais c'est vrai, par exemple, que c'est un slow burn. C'est vrai que c'est long avant qu'il se passe de quoi. Mais j'ai trouvé ça important dans le développement des personnages parce que. Toute l'ambiance d'où ça va amener à partir du moment où ça décolle, là, que, je vais pas le dire exactement quoi, mais on passe vraiment d'un film banal à film d'horreur à une certaine ligne bien précise dans le film. Je trouve que tout ce qui se passe avant ça est important pour juste une question d'ambiance. C'est vraiment une question de montée. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est très long, c'est un slow burn. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un slow burn. Un slow burn, puis je trouve que c'est cheesy là, au bout, là, les joke radio, puis tout, là, avec, tu sais, comment il s'appelle, là? Il y a Heidi, puis tout, là, en tout cas, ceux qui font la radio, là, ouais. Tout le temps cheesy au bout, avec le révérend qu'on voit venir à 100 000 à l'heure, qu'on sait que, tu sais, il fait comme cruiser, genre, la fille, mais dans le fond, c'est parce qu'il sait, genre, que... Il se passe de quoi de louche, mais qu'il dit jamais, tu sais. T'accroches des détails, man. Je peux pas croire que c'est ça qui t'a sorti. Ah, mais je sais pas, moi, j'ai trouvé ça vraiment trop prévisible et trop lent, tu sais. L'histoire. C'est comme. Nous autres, on est comme. Tu sais, les téléspectateurs sont comme, genre, en avant du film. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux pas dire. Pas en tout. Non. Ça serait dur d'être en arrière. Ah ouais. Non, mais, tu sais, je veux dire, ben, t'as des films que l'histoire se développe, pis tu sais, tu suis l'histoire, pis c'est bon, ça y va, mais là, c'est vraiment trop lent, genre, pour. Tu sais, il te donne des informations, là, t'es comprends, pis tu sais où est-ce que ça s'en va, mais il t'en rajoute, pis il t'en rajoute, pis il t'en rajoute, pis ça s'en va à même place, Je te comprends pas, toi. Ben, non, ben, quand. C'est tout? Parce que je vais passer à l'autre, puis après ça, on se battra. On fera ça. On fera un débat de mon gars. René, dans la boîte? René Lords of Salem, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'est bon, ça. On passe à l'autre. Ouais, ben, Steph. OK, Steph, qu'est-ce que t'as pensé de Lords of Salem? Moi, écoute, je suis un vendu fini de Rob Zombie. En partant, je l'aimais. Je l'avais même pas écouté, je l'aimais, c'était sûr, ce film-là. Bon, toi, tu viens de perdre toute crédibilité. Non, honnêtement, je l'ai écouté, là. Puis, c'était écœurant comme film. Et voilà. Ça fait que quelqu'un voulait dire. Tout, l'image, la musique, les effets sonores, tous les personnages, le rôle des comédiens, regarde, tout était écœurant. À part la fin qui m'a un petit peu déçu. Mais pas pour gâcher le film. La fin, c'est comme le résultat. Je veux pas raconter ce qui se passe dans le film. Une scène de la fin que j'ai un petit peu moins aimée. Tu sais, en tout cas. Mais à part ça, là, le film était écœurant, le gars. Ça torche les deux autres films avant, selon moi. Bon. Pour être franc, moi, j'ai pas fait mes devoirs. J'ai écouté juste 20 minutes du film. Ah, c'est vrai, moi, je suis allé vers le. Vers le côté bon. Là. Tu sais, j'avais pas le. C'est vrai, excuse-moi, René. Kevin. Je te l'ai demandé pareil. J'avais complètement oublié ce level. Ouais, non, c'est pour ça que j'ai pas répondu au début. Tu sais, j'aurais pu dire oui, c'était effrayant. Ben, là, c'est le temps de mettre ton micro sur mute. C'est que j'ai écouté 20 minutes, moi, puis j'enligne de. Je suis vendu pareil pour Rob Zombie, mais ce que j'ai écouté à date. Tu parles trop pour un gars qui l'a écouté 20 minutes. Mais check, c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est que les premières 20 minutes, c'est correct. Mais c'est que l'affaire, c'est que les 20 autres d'après, c'est les mêmes que les 20 premières. Non. Le développement est tellement lent que genre, t'as les 40-50 premières minutes, c'est la même astuce. Alors, il est obligé le développement. Il amène le film, astuce. Non, mais le film, je peux-tu? Que le film dure 1h30. Mon parce que si tu développes allô? 50 minutes avant d'arriver à quelque chose. Je peux-tu? C'est à mon tour. OK, ta gueule. Vas-y. Mettons qu'on y va point par point. Ouais. Côté cinématographie, ça, Kevin, si tu viens dire quelque chose de mal non. sur ce film-là... Non, je peux rien dire, comme je t'ai dit. Ta gueule! Point par point. Ah ouais, vas-y. Ce film-là, il est beau. À regarder, c'est un vrai fucking plaisir. Même si la ville de Salem, Massachusetts, ça a l'air complètement délabré, vu de ses ruelles puis toute son espèce de côté pas beau, pas propre, c'est donc beau à regarder. Juste pour le côté cinématographique de ce film-là est écœurant. Deuxième point, parlons mettons de la trame sonore faite par l'ami John Five. Fucking extraordinaire. En tout point, toutes les fois qu'il y a de la musique dans ce foutu film-là, ça marche. Que ce soit pour l'ambiance, que ce soit pour nous divertir, pour nous amener vers une autre ligne directrice, ça marche tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est super bien. Tu as quelque chose à dire là-dessus, Kevin? Non, je te l'ai dit comme j'ai dit tantôt. Hé, on n'est pas rendu là? Non, écoute. Point par point. Ouais, ben c'est ça, je vais aller point par point. Je vais reprendre où ce que tu as pris. Côté image, côté cinématographique, comme je t'ai dit tantôt, j'ai l'impression que parfois, c'est des scènes qui auraient pu être utilisées pour des clips. Tout à fait. C'est très beau, mais je veux dire, c'est quoi ça apporte à l'histoire, genre, de voir des belles scènes s'il n'y a même pas de développement, de paroles, rien, tu sais. C'est juste scènes de... Oui, il y a des sorcières, tu sais, t'as un peu d'horreur, mais il se passe rien. T'as des prêtres masqués qui se masturbent avec des dildos de couleur. Oui, c'est super beau comme image. Mais c'est super beau comme image. Ça amène... Ouais, Kevin, continue comme ça. Écoute, c'est pas ça que je voulais dire, là. Non, je te juge pas. Je les ai pas enregistrés pour m'en retaper ça en loupe, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Non, honnêtement, on rit bien, mais je comprends ton point de vue, parce que honnêtement, comme j'ai dit, ce film-là a divisé bien du monde, justement, au niveau que toi, tu racontes. Sauf que, je te dirais, là, pour te redonner... Redonner une claque dans la face, ça non, va, non. Moi, bon, regarde, c'est pas compliqué, je vais le dire, j'ai adoré ce film-là, c'est un fucking chef-d'œuvre, à mon avis. Je t'enlève rien, là, qu'est-ce que tu dis, là, on rit bien, là, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Sauf que, c'est un film qui est très, très, très deuxième degré pour qu'est-ce que Rob Zombie a fait. On considère, mettons, là, qu'on retourne en arrière, là, puis va te retaper, House of a Thousand Corpses, que, veux pas, ça a pas été produit par Rob Zombie, soit dit en passant. Il a écrit, réalisé toute la patente. Il y a eu 7 millions pour faire ce film-là. Adoré ce film-là, moi. Attends, il y en a eu 1,5 pour faire Lords of Salem. C'est lui, il a eu le contrôle à 100% sur tout ce qu'il voulait. Il a fait tout ce qu'il voulait. Fait que là, on peut enlever des obstacles de réalisation de producteurs et toute la patente. Ça vient tout de lui. C'est un film qui est très, très, très deuxième degré dans la mesure où je peux me permettre de le dire parce que après l'avoir vu, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai acheté le livre puis je l'ai lu. Ça m'a peut-être aidé à l'apprécier encore plus, mais bon, je l'avais aimé bien avant de lire le livre. Comment je dirais ça? Faut pas voir ça comme une ligne bien straight, bien simple. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel qui se passe dans ce film-là. Le premier 40 minutes, que tu trouves qu'il se passe rien, c'est que c'est un paquet de petites subtilités qui viennent servir à quelque chose éventuellement. Oui. Chaque scène dans la conclusion, si on veut, de ce film-là est une réaction à tout ça. On les voit, les subtilités, mais justement, pas obligé de nous les ramener tout le temps. Puis il les ramène pas. C'est juste qu'il t'amène vers toute l'espèce de... L'apothéose de tout ça, tu sais, la grosse... L'apothéose qui a même... Ben, tu sais, Steph, il trouvait que c'était ça le point négatif, c'était la fin. Non, ben là, c'est une scène, je peux le dire, ça se passe dans une salle de spectacle. Ouais, ben exact, mais c'est quoi le buzz, man? C'était trop, mais... C'est tellement genre, on dirait... Ça gâche pas le film, je te dis, c'est la scène la moins belle du film. Elle était bonne pareil, là. Il fallait que ça se passe là. Tu sais, on parle pas, encore une fois, je veux faire attention de ne pas spoiler, mais on parle pas d'un fucking démon minable. On parle d'invoquer fucking Satan par des sorcières. Faut que ça soit épique, faut que ça soit grandiose, faut que ça soit... Écoute, moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, ok, je me suis endormi dessus. Pas parce qu'il était mauvais, parce que j'avais dormi 2 heures, puis longue histoire, mais bon, j'ai tout fait pour le toffer. J'ai toffé, je pense que j'ai écouté la première heure. Je me suis endormi. Je me suis réveillé dans les 5 dernières minutes. Vous imaginez pas le mindfuck que ça fait, parce que, vous savez, il se passe bien des affaires. J'étais complètement, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je me suis endormi dans une histoire de petite fille qui passe la musique à la radio, qui file pas bien, puis qui est un peu dépressive, est en train de faire en train de se faire honner par un book, mon gars, mal sale, puis c'est ça, il y a des prêtres en train de se crosser avec des dildos de couleur. le cerveau a manqué de m'exploser, fait qu'il a fallu que je me le retape une deuxième puis une troisième fois. Ces films-là, plus écoute, que... peut-être que c'est ça, moi, peut-être qu'il faudrait que je me le retape une deuxième fois. Totalement, honnêtement, là, redonne-y une autre chance, puis je te dirais même, avant de redonner une autre chance, va te retaper House of a Thousand Corpses, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de points similaires avec ce film-là, dans le pacing du film. Tu trouves que le pacing est très lent, mais à la fin, comment est-ce que ça dégénère, tout est pesé, tout est calculé pour te donner ce résultat-là. Comment dire, j'ai adoré. Sérieusement, là, je peux juste. Il va falloir que j'arrête d'en dire parce que je vais passer pour un vendu. J'étais pas sûr de l'aimer, honnêtement, ce film-là. J'étais pas sûr. Puis, pas comme Steph. Oui, je suis un vendu à Rob Zombie, mais j'avais des doutes. Mais non, là, je peux le dire, là, c'est un putain de chef-d'œuvre. Puis, je suis donc content de l'avoir vu. Puis, que j'ai donc hâte de le revoir. Puis, honnêtement, ce film-là, tu sais, souvent, t'écoutes un film, tu dis. Ah, ça ressemble à l'autre. Ça ressemble à ça. Tu sais, il se base là-dessus. Ah, il a été prendre. Des screenshots sur un autre. Puis Chris, me semble, celui-là, il se démarque, il est unique. Ouais, là-dessus, t'as raison. Il va rien chercher à personne. Non, il a fait ses raison. Images, j'ai mis. Écoute, je suis vendu à John Five, là, écoute, je te hausse les gilets sur le dos. Là. Musicalement, ce film-là, il était écœurant, ça n'a pas d'astuce de bon sens. Là. Moi, c'est mon film par excellence d'accord. De l'année jusqu'à date à vie. Là. Je suis pas vraiment d'accord que. Ah ouais! Hey, ton film est. Tant que ça. Moi, honnêtement, il bat ses deux premiers, le House of the Thousand Corpses, puis Devil's Reject, que j'avais adoré. Là. Moi, je vais te dire, je suis pas d'accord que c'est mon meilleur film à vie, mais je suis d'accord que c'est le meilleur de Rob Zombie à date. Ça, c'est sans aucun doute. Moi, de ma part, là, j'ai vraiment aucun doute là-dessus. Alors, moi, j'ai embarqué là-dedans. Là, j'étais. Mais quand tu disais que ce film-là était original, qu'il empruntait rien, c'est plus ou moins vrai. Je trouve que, un peu comme dans ses vidéoclips, dans sa musique, ses paroles de chansons dans le temps, c'est très, très, très inspiré des vieux classiques old school de l'horreur. Justement, il y a beaucoup... n'importe qui a écouté... même du temps de Vincent Price, même peut-être plus dans le cinéma noir avant ça, mais il y a beaucoup, beaucoup d'empruntés dans le pacing, dans les camera shots, les angle shots qu'il a fait. C'est très, très, très emprunté au cinéma vraiment old school des années 20 et 30. Quelqu'un comme moi, plutôt, mettons, qui va au cinéma, qui écoute ça, il aura jamais rien vu de pareil ailleurs. T'sais, il pourra pas comparer ça. C'est un peu ça que je viens de faire, non? Ouais, mais toi, t'es un calé là, dans les films d'horreur. Là, t'es pas un calé, mais tu m'aimes tout le monde d'abord. Ouais, c'est ça. Tu sais, le petit cul qui s'en va écouter ça avec sa mère, il dit Avec sa mère. Ah non, mais ça, c'est un autre point, ça. Quelqu'un qui est pas un fan de films d'horreur, je vais jamais, jamais, jamais, en aucun point, y conseiller ce film-là. Jamais. Je vais dire, va voir autre chose avant d'aller voir ça, parce que ça, il faut le comprendre, faut le vouloir. Faut vouloir l'aimer, ce film-là, parce qu'écoute, il est demandant sur un sale temps, parce qu'écoute, c'est lourd, c'est chargé, sans être gore, sans qu'il y ait un pacing lourd. Je veux dire, faut que tu aies le goût de les voir, ces images-là, parce qu'ils sont durs à certains moments. Là, on va parler vite, là, sans donner le spoiler, d'une petite scène, d'une chapelle. Là, tu fais comme. Il y a un solide what the fuck là. Faut que tu aies une ouverture d'esprit aussi. Solide, fantastique. Ouais, mais tu sais. Pour certains. Ceux qui aiment, mettons, les films d'horreur plus slasher, puis. Ça n'a rien à voir. Ça à la Jason, puis tout, ça sera pas vraiment leur style, on s'entend. Non, ça, je suis d'accord. Puis, tu sais, dans le dernier show que j'avais fait avec Sébastien, je disais que, bon, mon meilleur film de l'année, c'était Evil Dead, puis que, bon, j'attendais Lords of Salem pour savoir. Je peux pas comparer ces deux films-là. Je peux jamais c'est les différent. Comparer. Ça n'a rien à voir. C'est tellement pas pareil, c'est ça. Tu sais, la différence, c'est qu'il y en a un que j'ai écouté Evil Dead, j'avais le goût de me lever et d'applaudir, puis j'avais les yeux pleins d'eau tellement que c'était hot, puis qu'il y avait du sang partout. Puis j'ai écouté celui-là, j'étais assis dans mon siège, les mains tellement rentrées dans le siège que je capotais, j'avais les yeux grands ouverts, puis il y en a-tu un qui va arrêter de souffler dans son micro soublet. Ça se compare pas, autrement dit. C'est vraiment un film fait pour les fans comme nous autres. Puis, tu sais, ceux qui ont aimé ça, là, c'est... Mais, c'est ça. Non, mais... écoute, regarde, Kevin... Les films de sorcières, ça arrive pas souvent. Ça devrait arriver plus souvent, selon moi. En effet. Hey, écoute, Kevin, pour pas que tu te sentes laissé, l'ami Sébastien nous a laissé son opinion sur Lords of Salem. Puis je vais passer ça de là, on va pouvoir l'écouter. Allons-y. Ben, c'est ça, moi, Rob Zombie, j'ai comme une drôle de relation avec ce réalisateur-là. J'avais ouais, c'est, vraiment adoré c'est juste physique, House of Tars rien de sexuel. Et Devil's Reject. Mais ben, le premier Halloween, j'avais bien aimé ça aussi. Mais le deuxième m'avait laissé un peu froid. Là. J'avais plus ou moins porté d'intérêt envers le deuxième. Mais j'avais quand même hâte de voir Lords of Salem parce que, bon, Rob Zombie avait quand même réussi à nous offrir de quoi de bon avec ses premiers films. Et j'espérais que c'était un peu là-dedans qu'il s'en allait. Puis je voyais ce film-là vierge de tout. Je savais même pas de quoi ça allait parler. C'était j'avais zéro attente. Et même en ayant zéro attente, ben j'ai été déçu. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai comme l'impression, là. C'est comme si Rob Zombie, dans ce film-là, il s'emmerdait, il cherchait. Il y a comme pas de réalisation intéressante dans ce film-là. Là. C'est à côté Rob de la Zombie traque. Qui fait du Rob Zombie, mais pendant un gros trois quarts d'heure, là, on dirait qu'il s'emmerde. Je veux dire, l'histoire avance pas. La réalisation manque de punch. Je suis tellement d'accord avec toi, mon Seb. Mais c'est pas vrai que pendant 45 minutes, les seules affaires que tu vas m'offrir d'épeurant, ça va être soit des flashbacks un peu weird ou des jump scares qui font vraiment penser à n'importe quel film d'horreur cheap. Là. Vraiment, là, c'est pas sûr que Rob Zombie nous a dit. Oh, Seb, go! Ça m'a vraiment déçu. J'avais vraiment l'impression de réécouter Halloween 2. Puis. Oh oui, sa femme, Cherry Moon Zombie, c'est, elle est pas mauvaise là-dedans, là, mais à un moment donné, il faut arrêter de la plugger partout, je pense. Ah, oh, ça, je suis d'accord. Il y en aurait sûrement d'autres qui auraient fait mieux la job qu'elle. Je dis pas qu'elle était pas bonne, mais c'était loin c'était d'être mon premier choix. On dirait qu'elle joue pas mal sur le pilote automatique tout le long. Puis. C'est ça, c'est, son interprétation manque un peu de punch de ce côté-là. Je parlais de l'histoire qui traîne un peu de la patte. Il y a des séquences dans le film, mais qui sont d'une inutilité incroyable. Juste à la passe dans la chapelle là, avec le curé qui est un peu bizarre. Là. Mais non, c'était qu'un rang scène là. Inutile, ça sert vraiment ben à non, rien. Ben non, c'est... On m'a dit que c'était juste fait pour choquer. Ben, mais, c'est exactement mais, ça. Choquer avec un prêtre un peu pervers. On aurait pu voir de quoi de plus hot que ça. T'sais. Puis s'il y avait des trucs qui m'ont vraiment fait triper, c'était tous les flashbacks avec les sorcières. Quand on voyait les sorcières soit faire. C'est ça, c'est parce que dans le fond, ça vient de ça voir des vieilles madame qui se sont fait brûler. C'était vraiment cool. Ah, ça tu l'as, ça. Je préférais ça. Ça mettait une meilleure ambiance que tout le reste du film. Puis, je sais pas, c'est comme une fin. C'est une fin qui finit, puis c'est tout. T'sais. Il n'y a comme pas eu de build-up pour cette fin-là. Il nous a amené comme de quoi que le disque allait. On aurait dit qu'elle allait transformer les autres femmes aussi en sorcières ou quoi que ce soit. Puis on est vraiment trop concentré sur le personnage de Cherry Moon Zombie. Puis moi j'aurais voulu voir les autres femmes, qu'est-ce qui se passe avec elles autres, tu sais. Non, t'as pas compris, c'est pas toutes des descendants. Ah, c'est comme ça. Des effets ah, là, c'est parce qu'on veut pas spoiler. Fait que j'ai trouvé que de ce côté-là, il y avait un gros manque d'exploitation de son idée, tu sais. Son idée, elle est de base, puis elle reste de base tout le long. Je dirais qu'il manque d'inspiration. Puis de ce côté-là, genre de film où ce que bon la femme a l'air de faire partie d'un complot, tout ça, j'ai trouvé que de ce côté-là, Rosemary's Baby était beaucoup plus efficace avec moins d'effets gore, c'est cheap, moins d'effets comme comparaison. puis tout était dans la tension puis dans l'atmosphère, ce que ce film-là manque totalement. C'est vraiment pas le genre de film que je vais conseiller puis que je vais avoir le goût de revoir. Je suis encore curieux de voir ce que Rob Zombie va faire plus tard, mais pour l'instant, ces deux derniers films, vraiment, c'était pas à la hauteur de ce qu'il nous avait habitué avec House of Thousand Corpses puis Devil's Reject. Bon, je l'aime, c'est moi qui va... Kevin, ta note. Colin, tu me garoches là? Ouais. Écoute, je te dirais 5. 5 membres sur 10. Je dis que c'est pas bon ni mauvais. Ben 5, c'est un film moyen. C'est ça. C'est que c'est long à développer. Non, non, non. Tu l'as déjà dit 25 fois, ça. Non, mais c'est pas le genre de film que je conseillerais à quelqu'un. Là, ok. Steph, ta note. Moi, honnêtement, je vais aller avec Kevin, un 5, mais pour une scène dans le film. Ben, c'est là que ça se passe, puis c'est là que le film est. Veux-tu bien donner ta note pour le film, pas te casser la tête, s'il vous plaît? Ah, elle est là, Chris. Non, honnêtement, moi, c'est un. Tu sais, je pourrais pas donner 10 sur 10, là. J'irai entre un 7 et un 8, là. Écoute, c'est un très bon film. Vas-y, avec un 9-9-9. Bon, ben, vois-tu, moi, j'y vais. Moi qui pensais à être l'entre-deux, moi, j'irai avec un 8.5 dans le sens que. Il y a des films que je donnerais des 10. Il y a des films que je pourrais... J'irais jusqu'à 9. C'est pas encore à ce point-là, mais à mon avis, à moi, c'est vraiment le meilleur que Rob Zombie a fait jusqu'à présent. J'ai hâte des prochains. Soit dit en passant, le livre que je suis en train de me taper, The Lords of Salem, est écrit par Rob Zombie et puis son chumé, que je me rappelle plus son nom. C'est très bon, c'est très complémentaire au film, là. C'est... tout ce qu'on n'a pas vu, si vous voulez. Sans que ça soit complètement nécessaire. Une bonne lecture, n'importe qui a vraiment été intéressé. Ça conclut pas mal notre show. C'est le fun quand il n'y a personne qui s'entend. Ça fait différent. Je vais aller couper le prochain show. On va dire qui avait gagné. Oh. Ouais, allez chier, moi, c'est le dernier show que je faisais. Eh bien, ça a été le fun, Kevin. Tu sais, en avant-show, on parlait des parties qu'on prévoyait pour cet été. Fait que... Ben, Kevin. C'est plate, okay, tu seras pas avec nous autres. Vrai, c'est vrai. Tout là, Salem, là, écœurant. 9.5 membres sur 10. Ceci étant dit, chers amis, c'est ça. C'est pas mal la conclusion de notre show. Venez nous jaser ça sur Facebook, sur Twitter, comme vous voulez. Donnez-nous des notes sur iTunes. On est même plus sur iTunes, c'est vrai. On est sur funjoueurjeu.ca. Fait que. Seb. Steph, ça va aller mieux. Hein? Ouais, mais là, écoute, j'étais sous avant de commencer le show. Là, rendu à cette heure-là, je commence à être très sous. Fait que, la toune? Tu veux qu'on y aille avec une toune? Ben, on va finir ça avec une toune. On va y aller, je vais sûrement décoller ça le nom. Là. Et Dessumis Luge. Tu l'as eu parfait, man. Parfait, hein. J'aurais dû parler. Pareil comme le Suisse, man. C'est bon, ça. Pareil comme la mère à Seb. Ça me fait penser à ma mère. Et le Suisse? Ah, je sais pas. Elle mange des Suisses, hein, ou... Mmh. Ouais, sans Suisse. Non, mais tu sais, c'est comme dit le proverbe, hein, 2 plus 2, ça fait 4. Égal 4. Et voilà. Le nombre de Suisses qu'elle a mangé. Hey, c'est-tu tout? C'est tout ce que tu avais à dire? On va écouter ça? On va aller écouter ça. Il n'y a plus rien à dire, pareil. Oh, c'est parfait. Bon. Hey, Seb, qu'est-ce que tu as à dire, toi, pour ta défense, cette heure qu'on s'en va? Ouais, c'est ça, moi. Bye les gars. J'espère que ça a été un bon show. J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Là. Puis on se revoit la prochaine fois. Je devrais être bon pour vous parler de la série Hemlock Grove, la nouvelle série sur Netflix réalisée et produite par Eli Roth. Ça risque d'être très intéressant. Bon, ben c'est cool. Bon, ça y est, il va falloir que je m'achète un abonnement à Netflix. 8$ par mois, mon gars. Jeté par les fenêtres. Bon, ben, c'est ça. Répète-moi donc encore le nom de la toune, mon Steph. C'est trop drôle. Dessumis. C'est bon, ça va écouter ça. Hey, ciao tout le monde, à la prochaine.